Le radioton de CKRL se poursuit tout juste, hein, parce qu'on est en onde depuis 16 heures pour notre grand événement de financement annuel. Public, êtes-vous là, s'il vous plaît? 405 3e avenue, si vous voulez nous voir, je vous le rappelle. Il y a de l'ambiance, ça y est, on a inauguré le bar de bière de la Barberie qui va être là toute la fin de semaine aussi. Isabelle est là pour vous servir une rousse. Ou une blonde, hein, c'est ça qu'il faut choisir, choix difficile pour la fin de semaine aussi, tout au profit de CKRL. On remercie évidemment la Barberie qui nous fournit ces bières. Pour commencer cette émission, mais oui, je m'appelle Jessica Leb, je suis l'animatrice de Première Loge du lundi au vendredi, 15h30, 17h30 sur les ondes de CKRL 89.1. Et le thème de l'émission que vous venez d'entendre, c'est mon thème habituel de Première Loge. Et pourquoi on le diffuse? C'est pas pour me faire un honneur à l'émission que j'anime annuellement à CKRL, c'est pour faire honneur au groupe qui signe le thème de cette émission. C'est pas facile de choisir un thème au moment où on vous dit faut choisir un thème pour ton émission, qu'est-ce que tu veux. Mais là, la chanson s'appelait Frenchée des Françaises. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil subtil, puis j'aime le rock. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Raton Lover. Raton Lover, orphelin aujourd'hui parce que nous n'avons que le chanteur. Je pense qu'on a perdu tous les autres ratons dans la nature. Simon Lachance est avec nous. Bonjour Simon. Allô, ça va bien? Ça va bien et toi? Yeah. On avait envie de faire une formule solo pour cette heure qu'on va passer avec Raton Lover. Et il faut avouer aussi que votre guitariste Martin Plante est en tournée avec Daran en ce moment, parce qu'on va, on va en parler. Vous avez aussi vos carrières de musicien. Il y a Raton Lover, le groupe. Mais vos carrières de musicien, c'est importante aussi, Simon. Oui, puis c'est le fun de se garder du temps pour faire d'autres projets aussi de temps en temps. Puis quand j'ai eu l'invitation, j'étais comme, OK, c'est sûr qu'on peut pas faire de perfo avec toute la bande. Puis en même temps, je tenais vraiment à être là. Fait que je me suis dit, OK, je vais y aller tout seul. Est-ce que tu tenais à être là parce que CKRL a été présent depuis les débuts? On le sait, on soutient, on encourage cette relève artistique à Québec depuis très longtemps, bien avant l'effervescence qu'on peut connaître aujourd'hui à Québec. Est-ce que c'est pour ça qu'on est reconnaissant envers une radio en tant que groupe? Oui, on l'est en tant que groupe, puis je le suis au niveau personnel aussi. J'étais un enfant de CKRL. J'écoute CKRL depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mes parents sont membres depuis aussi longtemps que je me souvienne. Donc, j'ai grandi avec CKRL, fait que c'est d'autant plus important pour moi personnellement d'être là. Puis évidemment, ben, tu sais, depuis le début, nos premiers projets, nos premiers balbutiements de composition, on a toujours eu une belle fenêtre, puis... on a toujours été bien accueillis ici, puis c'est un plaisir d'être là encore cette année. Merci de m'inviter. Ça a l'air que j'ai pas été trop mal commode. Non, ça va, on a des bons souvenirs. Quels sont, toi, tes premiers souvenirs à CKRL, première entrevue? Je sais pas si c'était votre premier avis pour Raton Lover. Est-ce qu'on est nerveux? Est-ce qu'on est en confiance? Parce que justement, c'est des gens qui aiment la radio, qui aiment la musique, qui vous accueillent ici. Ah, ben, je pense qu'on est toujours nerveux. Moi, je suis toujours nerveux. Je le suis encore aujourd'hui. Mais je pense qu'on, c'est parce qu'on aime ça, la nervosité aussi. Ça nous rend vivants. Puis, ça a été vraiment nos premières entrevues, les premières choses qu'on s'est dit. Hey, non, ça, on dit plus jamais ça à la radio, là. Come on. Je me souviens que tu m'as dit quelque chose en conférence de presse. Tu as dit, enlève ça. C'était mes premières entrevues, là. Je ne dirais pas excellent. C'est quoi, bien sûr, secret professionnel oblige. Mais... Moi, je ne m'en souviens pas de toute façon. Ouais. J'ai une mémoire sélective. Ça doit être ça. Donc, comme je le disais, premier album pour Raton Lover en 2014, album éponyme. Ça représentait quoi pour vous, le premier album? Oui, c'est l'accomplissement, c'est un premier projet à présenter, mais comment vous vous êtes lancé dans cette aventure? C'est particulier parce que moi, à la base, je suis toujours batteur. On parle ici de batterie, un instrument de musique. c'est ça, je suis pas batteur à œuf ou autre. C'est ça, j'ai commencé ma carrière comme drummer, puis j'ai décidé de me concentrer sur la voix, puis écrire des paroles, tout ça. Puis Simon puis Martin, ils m'ont dit, OK, let's go, mon homme, on y va. On s'inscrit à Granby, au Festival de la chanson, puis écrit des tunes, on s'essaye. Puis finalement, on s'est rendu là-bas. Puis on a fait les demi-finales, puis on a vraiment, vraiment beaucoup appris. Puis on s'est rendu compte qu'on voulait prendre plus notre temps pour écrire ce premier album-là. Puis c'est ça, il a vu le jour en 2014. Là, puis pour moi, c'est comme un gros défi, parce que décider que tu deviens chanteur en plein milieu de la vingtaine. OK, let's go, je passe du drum à la voix, puis je me lance là-dedans. Puis c'est là qu'on a trouvé justement Fred Desroches, qui est claviériste et drummer, qui d'ailleurs a appris à jouer du drum pour jouer dans le band. Vraiment? Ouais, ouais, il jouait pas avant, puis OK, let's go, on se lance là-dedans. Des fois, on fait des drôles de plans, mais... Il est vraiment réputé pour cette polyvalence, pour pouvoir jouer de plusieurs instruments. Il fait partie de la Ligue d'impro musicale de Québec, si je ne me trompe pas. Oui, depuis de nombreuses années. Ouais. Ouais. Donc, comme quoi, ça a valu la peine d'apprendre plusieurs instruments pour Raton Lover. Ben, on a envie d'écouter ce que tu es capable de faire. Alors, tout seul, on va écouter un extrait de l'album aussi, le dernier, Le sens du vent, qui est sorti en 2017. Mais là, c'est deux chansons de 2014, finalement, du premier album ouais, que ben, tu as choisi. Oui, je vais commencer avec le premier album, on en parle. On va... Exact. Très bien vu. On voit l'expérience qui a servi à CKRL. Alors, merci, Simon, CKRL. Je laisse t'installer et je rappelle que nous sommes en période de radioton jusqu'au dimanche 8 avril 21h. Si vous voulez faire un don à CKRL, ça se passe sur notre site internet www.ckrl.qc.ca. Miser sur l'encan qui est disponible sur le site de CKRL, et c'est assez impressionnant, le téléphone a sonné je pense dès 15h34, moment où on a lancé l'émission pour vous présenter les lots. On voit qu'il y a des auditeurs qui attendaient ça avec impatience, donc je vous conseille de vous mettre à jour aussi en vous connectant sur notre site internet, et puis en plus sur un fond musical sur des chansons de Raton Lover, un groupe de Québec. Simon, ce soir c'est une chanson de circonstance là. Tout à fait. Je te dirais que j'ai choisi cette chanson-là parce que en général, Raton Lover, on est assez rock, on est assez énergique. Puis on a aussi des chansons vraiment plus méditatives qu'on se permet pas de faire souvent. Puis là, je me suis dit, tant qu'à être tout seul aujourd'hui, je me gâte de vous faire une chanson un peu plus relaxe. Ça s'appelle Ce soir. Piège tendu droit devant, sans peur, j'ai sauté dedans comme un con. J'ai jeté les gants. Le sang qui brûle dans mes veines entend à nouveau l'appel du cœur qui voudrait la paix. Ce soir, y'en aura pas de chicane, comme si la vie n'était rien qu'un jeu d'enfant. Ce soir, on n'en fera pas un drame, on va laisser les étoiles nous dire comment. Ciel en mille poussières, les cendres que le vent libère redescendent lentement. Tes yeux, malgré la boucane, heureux que le vent se calme, regarde tendrement. Ce soir, y'en aura pas de chicane, comme si la vie n'était rien qu'un jeu d'enfant. Ce soir, on n'en fera pas un drame, on va laisser les étoiles nous dire comment. Thank you. soir. Y'en aura pas de chicane. On va enfin laisser couler le temps. Ce soir, on n'en fera pas un drame. On va laisser le silence nous dire comment. Nous dire comment. Merci. Petit changement de guitare pour ceux qui sont en onde. Ben oui, on laisse le temps à nos artistes de changer de guitare parce que d'habitude, Raton Lover, quand ils viennent ici, ils déménagent, hein, on peut le dire, ils ramènent tout leur studio avec eux. Mais là, Simon est tout seul et il a quand même trouvé le moyen d'apporter deux guitares. Ça reflète bien l'esprit du groupe. Tendance, c'est un peu maximaliste des fois, mais même en formule mini rock aussi que vous avez exploité, hein. Ouais. Vous avez beaucoup d'instruments sur scène. Ouais, même quand on essaie de pas en amener beaucoup, on en amène trop. Faut dire qu'ils sont cinq dans le groupe, multipliés par au moins deux instruments chacun. Ouais, ça fait du son. Puis on amène notre gars de son en show partout. Puis toutes les fois qu'on joue quelque part, on joue tout le temps trop fort, moins un. C'est notre Sans oublier Bruno Savard. Oui, Bruno Savard qui dort présentement. Il a pogné un rhume, puis je l'ai laissé à la maison. Mais probablement qu'il nous écoute. Là. Oui, on parle bien du raton, hein, qui est la mascotte Bruno Savard, qui est sur scène à chaque fois que Raton Lover joue, et non pas un certain journaliste là, non, pas non, très c'est, connu à Québec. Il est, ouais, très, très connu, je dirais, mais ouais, c'est. Bruno Savard, c'est un peu comme une poupée vaudou de l'être humain, Bruno Savard. Parce que Bruno, l'être humain, à un moment donné, avait prononcé notre nom de la façon suivante, Raton Lover, qui ressemble assez étrangement à Rotten, ce que qu'on a trouvé très drôle. Les amoureux pourris, en tout cas, ou les amants pourris, c'est quand même très très drôle en anglais. Puis on a tellement ri qu'on a décidé d'appeler notre mascotte, qui est un petit raton. On l'a décidé d'appeler Bruno Savard parce qu'on se disait que si on l'amenait en tournée avec nous autres. Ben, il risquait plus jamais de se tromper de nom en parlant de nous autres. Puis c'est quand on est allé à Radio-Can en 2016, quand on a fait le festival d'été, on a fait une entrevue conjointe, Bruno Savard, une animatrice dont je me souviens pas le nom, puis moi, puis c'était vraiment très très drôle parce que Bruno Savard, l'être humain, a dit en onde, en touchant à la statuette, Bruno, il a dit « Je me touche en ce moment. » En onde à la radio. Pas mal, pas mal. C'était trop beau pour être vrai. Je pense qu'il veut vraiment que vous restiez avec vous en tournée. Il veut vraiment que vous restiez... Enfin bref, que Bruno Savard soit avec vous en tournée. Il faudrait que je fasse ce genre de gaffe pour partir en tournée avec vous via un oui, objet. Oui, c'est alors. Ça. On pourrait avoir une Jessica Leb. Ça prendrait une ratonne. Ce serait on vraiment excellent. Reparle. On s'en jase. OK, parfait. Ouais, je vais me... Ça me dit touche-toi dans le public. Je sais pas si ça va marcher. Wow. J'imagine que Frenchie des Françaises, bon, on se connaissait peut-être à ce moment-là. Je sais pas. Bref, feu de paille maintenant. C'est bon. On entend. Il y a beaucoup d'enjeux présentement dans le monde en général. Puis là, de ce temps-ci, on parle beaucoup de plastique dans. Dans les eaux, des fois on parle de CO2, des fois on parle de... on change de problème, mais souvent, je trouve qu'on oublie le fond du problème. Moi, personnellement, je pense que le fond du problème, c'est qu'on mette toujours l'argent avant toute autre chose dans nos choix. Puis à partir du moment où on va changer ça, le reste va se mettre à bien aller. Puis cette chanson-là, Feu de paille, c'est une chanson du premier album qui parle de ça. Thank you. Les chiffres parlent, les hommes se taisent. Tout paraît normal, la peur s'apaise. À quoi bon esquiver tous les malaises? Juste avant de tomber dans la falaise, feu de bonne, tu fais avancer le train qui déraille dans le ravin. N'importe quoi pour le foin, s'il n'y a plus de paille demain matin, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Le silence se consume au fond de la braise. Plus ça fume, plus ça brûle, plus l'espoir s'affaisse. Et rempli d'amertume, nos têtes se passent. On simule, on stimule, et le feu nous baille. Tu fais avancer le train qui déraille dans le ravin. Feu de paille, n'importe quoi pour le foin, s'il n'y a plus de paille demain matin, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Bourse nous encule jusqu'à ce qu'on en crève. Je veux pas péter ta bulle, mais le party achève. Les véreux, les crédules, tous ceux qui les servent. Dis-moi qui les endure, qui court à sa perte. Tu fais avancer le train qui déraille dans le ravin. Feu de paille, n'importe quoi pour le foin, s'il n'y a plus de paille demain matin, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Simon Lachance pour Raton Lover à CKRL 89. On vient d'entendre Feu de paille et précédemment ce soir deux chansons extraites du premier album de Raton Lover, album éponyme sorti en 2014. Simon, tu peux revenir vers moi parce que j'ai hâte de récolter tes impressions de jouer tout seul sans ces quatre autres ratons. Je rappelle que Raton Lover, c'est un groupe de Québec, ils sont cinq. On parlait de tous les instruments qu'ils traînent avec eux en tournée, mais là ce soir, Simon est seul. Comment tu te sens? Seul? Non, je suis bien accompagné, puis je suis content d'être avec toi, cela dit, Jessica. C'est pas notre première entrevue, puis... Non. Effectivement, merci de me recevoir. Puis ça se passe bien, là. Je pense beaucoup aux gars, je pense à Bruno qui nous écoute à la maison. Défaut de penser aux autres du groupe, c'est Bruno. Non, j'ai dit que je pensais à eux aussi. Bon, aussi. Ça va, je déforme pas. Non, mais c'est important. Mais Simon, c'est quand même pas la même chose de choisir des chansons quand tu joues en solo pour représenter le son d'un groupe tout entier versus quand vous jouez tous ensemble, quand vous tournez? C'est pas, j'imagine, c'est pas le même choix de chansons. Pas du tout, mais en même temps, c'est ça que je trouve le fun aujourd'hui. Parce que, justement, comme je disais tantôt, ce soir, la première que j'ai faite, c'est une chanson qu'on fait souvent comme en deuxième rappel, quand les gens sont vraiment prêts à recevoir ça, une chanson vraiment plus relaxe. Tout ça, pour un band de rock, c'est peut-être un petit peu moins dans la mire, là, mais moi, ça me fait du bien parce que c'est des chansons que je joue pas souvent, justement. Avec les autres membres du groupe Raton Lover, la plupart, le noyau du groupe, au départ, vous êtes rencontrés au Cégep, si je me trompe pas, à Québec? Oui, on était des étudiants en musique, puis comme bien des bandes se sont formés, on a fait Cégep en spectacle. Un classique. voilà. On a eu la chance d'aller jouer en France en 2006. On faisait un festival. On avait comme une heure de show de festival à monter en genre 2 mois quand on a appris qu'on avait le prix Riasc. Fait que ça a été quand même assez intense de composer de la musique avec des gars que tu connais à peine. Ça forge le caractère, ça place les dynamiques. On est allé faire ça. Puis l'année d'après, on a eu la chance de jouer aussi en Belgique avec cet autre projet-là qu'on avait qui s'appelait Mélogramme. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Des fois, il y a des archives qui sortent sur les réseaux sociaux là, d'anciennes photos du groupe à l'époque. On voit que ça a beaucoup évolué. Oui, ça a aussi beaucoup dans évolué, effectivement, dans l'esthétique et dans tout ça, ouais. Ouais. Bah, c'est quand même drôle de voir qu'un groupe qui s'est formé au Cégep, qui a participé en Cégep en spectacle, a fait 2 années consécutives, par exemple, le Festival d'été de Québec. Vous avez fait l'Impérial Belle. Déjà, pour un jeune groupe, ça va bien pour vous? Oui, ça va très bien. Depuis la sortie du premier album, on a fait pas mal d'affaires. Moi, je veux être en tournée avec vous. Je veux un objet à mon effigie, donc je ferai quelque chose à un moment donné. On a déjà fait un Québec Tadoussac ensemble. C'est vrai. On avait écouté Marie-Pierre Arthur en chemin, dans le van. Ouais. Puis ça m'avait marqué, je dis, ces gars qui rock, écoute Marie-Pierre, Arthur, puis vous tripiez à fond, là. Ah oui, oui. Mais parce que, non, mais c'était le dernier album, Si l'Aurore, faut dire que les instrumentales sont très belles et ressemblent un petit peu à ce que pourrait faire Raton Lover en spectacle. Oui, en quelques points, effectivement, il y a vraiment des belles recherches dans cet album-là, c'est super intéressant. Et on va continuer évidemment à t'écouter, Simon. Tu représentes les 5 ratons aujourd'hui dans cette émission. Et je suis vraiment ravie, j'espère que c'est une primeur que tu nous offres de casser une toune à la radio. Je sais que vous l'avez faite sur scène déjà. Oui, on l'a fait à l'Impérial récemment, en février. Mais non, c'est la première fois qu'on la joue à la radio. Puis là, j'étais habitué tout le temps à parler au « on » parce que je suis un gars de band. Puis là, on va jouer, même si le « on » n'implique que moi aujourd'hui. Mais oui, tu représentes Raton Lover. Alors Marcel, pourquoi Marcel? Vous parlez beaucoup de gars dans vos chansons, hein, d'autres gars, d'histoires avec des gars, des filles aussi. On écoute du Marc-Pierre Arthur dans Van, puis on écrit des chansons sur des gars. Je sais pas quel message t'essaies de Non, mais Marcel, c'est qui en fait? On va écouter la chanson, mais si tu pouvais nous en dire quelques mots. Marcel, c'est mon voisin d'en avant quand j'étais petit. C'était vraiment un bon vivant, Marcel, puis il tinquait en tabarouette, il buvait énormément, puis tellement qu'il était rendu avec une bedaine tellement dure qu'il était capable de déposer sa canette sur sa bedaine, puis elle tenait. Il y en a qui me regardent, oh non! Je devais avoir... Celle qui est au bar particulièrement. Ce que je vais dire va probablement te créer un autre « oh non » encore pire. J'avais 6 ans, puis j'étais allé voir mon père, puis j'ai dit « hey, pa, moi, quand je vais être grand, je vais être comme Marcel. Oh, je vais être capable de faire tenir ma bière sur mon ventre. » On n'en est pas là. C'est un peu difficile de vous parler de ça, parce que, tu sais, les rêves d'enfance déchus, tu sais, qui ne se concrétisent pas. J'aimerais qu'on observe une minute de silence, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, je ferai pas ça quand même. Alors, je te laisse t'installer pour Marcel. Donc, on va entendre toute nouvelle chanson. Alors oui, on aime ça, les primeurs à CKRL. C'est la première fois que Simon Lachance va jouer cette chanson à la radio. Sinon, il fallait être à l'Impérial Bell en février dernier, puisque le groupe Raton Lover a fait la première partie d'Émile Bilodeau. Une grande histoire, hein, parce qu'il faisait déjà la première partie d'Émile Bilodeau au Festival d'été de Québec, l'année dernière d'ailleurs. Oui, ben cet été, on a fait ça, puis ben, on a été réinvités en février pour l'Impérial, puis ça a été vraiment un beau trip. Émile, c'est vraiment c'est un être humain extraordinaire. Ce gars-là dégage tellement, puis tu sais, il y a une image de maudit bon gars, j'allais sacrer. Il y a vraiment une image de bon gars, mais c'est pas juste son image, il est de même, le dude. Puis j'ai vraiment énormément de respect pour ce gars-là, puis ça a été un immense plaisir d'ouvrir pour lui, là. Puis j'espère qu'il y en aura bien d'autres, évidemment. On vous le souhaite. Voici donc Marcel Simon Lachance pour Raton Lover en direct à CKRL. Marcel, tu crois en Dieu quand ça fait ton affaire, pis t'as tendance à devenir ben pieux quand tu manques de bière. Marcel, perron usé à regarder passer le vent, surpris de te voir sauter de pied après avoir bu autant. Marcel, tu sais pas lire ni compter. Marcel, tu parles en lettres attachées. La vie est simple quand le plus beau des trésors s'achète au dépanneur. La vie est chère quand tu vends ton char pour t'inquiéter ton cœur. Tu bois dans une gourde en plastique. Marcel, tu dis que ça rentre plus vite. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Les oiseaux s'isolent pour mourir, pis toi, ben on t'a pas vu venir. J'ai trouvé ta gourde des Nordiques, au gros soleil ça tabac pique-nique. Un cadeau en or, une fin pas chic, un souvenir de toi et de tous ceux qui crient tout bas. Alright, alors, pendant la chanson, on a demandé à notre sympathique régisseur d'amener une chorale, n'est-ce pas? C'est une chorale, c'est ça qu'on m'a dit. Dans ma petite oreillette ici, on m'a dit on a toute une chorale qui entre à CKRL. Alors pour le Radioton, pour CKRL, je vous invite à chanter vraiment très très fort, parce que j'ai juste un micro devant ma face, fait que il va falloir chanter là, comme s'il fallait que vous chantiez pas de micro dans un stade. Alors fermez vos yeux, imaginez-vous le centre Vidéotron, pas de micro, puis allez-y à fond le caisson, mes chers amis. Je vais vous dire qu'en chanter, c'est super simple. Ça dit « Puis si tu veux rester, prends le divan des cœurs brisés. Il y aura toujours une place pour toi sur le divan des cœurs brisés. » C'est simple comme ça. Fait que je vais vous faire signe au moment. Merci encore, Jessica. Puis, petite dernière, petite chanson bonbon pour CKRL. Prends ton sac, la voix, deux paires de jeans. Y'a pas grand autre choix pour éloigner le spleen. Scotch, bat, caf, six packs de blonde. À soir, on va refaire le monde. Pis si tu veux rester, prends le divan des cas brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cas brisés. J'ai bien empli de mon père quelques vieux vinyles. On se foutra d'avoir l'air un peu débile. Quand les voisins vont nous voir danser au lever du soleil. Puis si tu veux rester, prends le divan des cas brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cas brisés. Prends le divan des cas brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cas brisés. Puis si tu veux rester, prends le divan des cas brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cas brisés. Y'aura toujours une place pour toi sur le divan des cas brisés. Vend des cas brisés. Et merci. Simon Lachance pour Raton Lover, le divan des cœurs brisés, extrait de l'album Le Sens du Vent, le deuxième, paru en 2017. Nous avons un vinyle à CKRL qui a été donné gracieusement par le groupe Raton Lover, que vous pouvez retrouver dans le kiosque de marchandises si vous voulez l'acheter. C'est évidemment tout au profit de CKRL. Quand même gentil de la part d'artistes qui ne, voilà, où les disques, bah, ça se vend plus aussi bien aujourd'hui, de dire, bah, non seulement on vous donne des disques, mais en plus c'est au profit de CKRL. Il y a un vinyle, mais il y a aussi des albums aussi qui sont disponibles. Je suis sûre que Simon pourrait même les dédicacer s'il y avait quelqu'un qui l'achetait maintenant, là, avant que tu t'en ailles. Tout à fait. Simon, Le Sens du Vent, c'est le deuxième album de Raton Lover. On parlait de la particularité de jouer en solo aujourd'hui alors que vous êtes cinq sur scène. On va écouter dans quelques instants un autre extrait de l'album, Mr. Right. On va en parler dans quelques minutes. Le Divan des Cœurs Brisés, pour l'anecdote, il me semble que vous la jouez aussi en fin de spectacle, en acoustique, au milieu de la foule. Puis c'est un peu la chanson feu de camp, rassembleuse, les gens chantent en chœur, c'est... Les artistes aiment de plus en plus créer ces moments de communion-là à la fin de spectacle. Vous, pourquoi vous tenez à faire ça? Moi, je pense que, tu sais, à la base, écrire des tunes, faire de la musique, c'est pour vivre un contact. Puis, il n'y a pas meilleur contact que quand tu es totalement acoustique. Puis, quand la musique est tout nue, on dirait que c'est là que... Qu'on ressent le plus le contact avec les gens. Puis c'est le fun aussi de chanter tout ensemble. Il y a comme quelque chose d'assez magique avec ça. Puis c'est le fun de finir le show, mais des fois on commence le show de même aussi. Récemment, on jouait à Granby, on faisait un 5 à 7 pour la semaine de la francophonie. Puis on a commencé le show de même. carrément, les gars étaient comme dissimulés dans la salle. Puis là, ils se sont comme levés au refrain pour faire taper les gens dans les mains. C'était vraiment, vraiment... Ah oui? Ouais, c'est et un beau... belle réception alors. Ouais, c'était les gens embarqués, parce qu'on a toujours peur de le faire au début. On se dit, si les gens sont pas encore dedans, c'est peut-être un peu risqué. Mais ouais, là... mais nous autres, on est juste trop dedans. Fait que c'est pas grave. Au pire, on sera dedans pour eux autres, puis ils vont embarquer de toute façon. Les gens seront obligés d'embarquer aussi. D'ailleurs, en parlant de spectacle, on va quand même l'annoncer. Vous êtes le 4 mai prochain au Centre d'Art La Chapelle. C'est une supplémentaire, en fait, parce que vous en aviez fait une à l'automne, si je me trompe pas. C'était complet. Ouais, avec Ions, qui est l'ancien groupe de notre guitariste Éric Blanchard. Puis lui, il fait deux shows ce soir-là, Raton Lover puis Ions. Ah oui. Puis ben oui, c'est ça, c'est des amis à nous, ça fait des années qu'on se connaît. Puis c'est vraiment le fun de voir les fans de Ions qui chantent les tunes par cœur, qui se lèvent debout à la première tune. Il y a quelque chose, il y a une magie là, complètement. Impressionnante et envoûtante là, dans tout ça là. C'est vraiment le fun à voir. Si ça vous tente de vivre de quoi, allez là, sérieux, ça se passe le 4 mai au Centre d'Art La Chapelle pour Raton Lover. Il y a encore des billets, mais procurez-les vite. Il n'y en a pas beaucoup, puis c'est une supplémentaire, puis c'est ça, il reste encore peut-être 20-30 de billets là, tout au plus. Mais il y a des belles annonces qui s'en viennent aussi. On sait, les festivals commencent à dévoiler leur programmation, etc. Est-ce que ça s'annonce bien pour Raton Lover? Ça s'annonce très bien, mais c'est tout ce que je peux dire. OK. ça n'ira pas mais plus loin. Je pense qu'on va jouer pas mal cet été. On va se promener encore beaucoup. Puis aussi, ben là, on travaille sur le troisième album. Fait qu'on va faire comme un peu des deux là, cet été. On travaille à la maison à Charlebourg, on a un studio, puis on travaille sur nos affaires, puis les fins de semaine on va sortir sur la route, puis on va se promener en mat. Les dates vont sortir sur le compte Facebook de Raton Lover, sur le site web, partout sur les réseaux sociaux très très bientôt. Là, on est en train de boucler là, les dernières dates, puis on veut tout sortir en même temps. Faudra suivre ça, donc Raton Lover sur Facebook. On va donner quand même une idée de ce que ça donne Raton Lover sur album à 5 avec les grosses guitares, la vingtaine d'instruments qu'on vous connaît. Voici tout de suite un extrait du Sens du Vent, donc deuxième album, voici Mr. Right. La journée était neuve. Avec l'air de la mer pis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Mais veux-tu pas que tu débarques? Pis t'as vraiment l'air en beau joie le vert. Tu nous crashes notre vin, pis que là tu t'aides. Return her down en ville, c'est ton nez tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête? Right, I think you're home but I ain't gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, alright, alright, Mr. Right. À 6h du matin, ça vous a pas tenté? À toi pis ta tondeuse de pas nous faire chier. Mais un band qui jam à 9h15, c'est le pire des drames, c'est la peine de mort. Oh ouais! Eh ben, hey, tant qu'à ça, là, compte-toi, get up! Mr. Mr. Right, I think you're home and I ain't gonna fight. monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong, but I ain't gonna fight. Mr. Right, Raton Lover, c'est Kairé, l'extrait de l'album Le Sens du Vent. Vous comprenez pourquoi Simon ne peut pas tout faire sur cette chanson qu'il a préféré qu'on diffuse un extrait de l'album. J'avais commencé à me monter un setup, là, mais finalement, quand je m'enfargeais dans mes instruments, puis là, ça a fini en pleurant, petite boule dans le salon, puis là, j'ai dit non, je peux pas jouer tous ces instruments-là, c'est impossible. Elle est très bonne. Ce que j'aime de Mr. Right, c'est que vous l'avez beaucoup joué en spectacle avant qu'elle sorte sur l'album. Le Sens du Vent, ça a été ça. C'est beaucoup de chansons aussi que vous avez joué sur scène, vous avez habitué le public à ces chansons, puis on avait hâte de les entendre sur disque. En tout cas, moi, c'était mon impression. Ouais, puis je sais pas si les gens avaient hâte de l'entendre sur disque, mais nous, on avait vraiment très très hâte de les enregistrer, évidemment. Puis mais c'était le but. Le Sens du Vent, c'est un album de tournée. On est parti sur la route. On a fait 45 jours de tournée dans l'été. Mm-hmm. On a fait 8 jours de studio avant puis après ces 45 jours-là. Puis c'est comme ça qu'on a bouclé l'album. Puis effectivement, Mr. Right, ça remonte à loin. On la jouait au lancement du premier album en 2014. Fait que ça fait assez longtemps qu'on a écrit ça, cette chanson-là. Mais c'est ça, elle nous suit. Puis c'est une toune le fun parce que c'est le party. Efficace, 2 minutes 40 à peu près, mais vous donnez tout ce que vous avez. Voilà, plein de solos de guitare puis les cheveux dans les airs, that's it. Troisième album en préparation, ça va sortir en 2019, tu me disais. Ouais. Vous avez déjà votre réalisateur. Pour Le Sens du Vent, c'était Danny Placard. Là, vous êtes allé avec André Papanicolaou. Oui, puis on l'a fait descendre à Québec. Il est venu chez nous quelques jours à Charlebourg. Puis ça a été vraiment un beau trip. Pour ceux qui ne le replacent pas, pour faire un peu de name dropping, André travaille depuis assez longtemps avec Vincent Vallière. Puis il a réalisé Mordicus. Il a travaillé aussi avec Anthony Roussel. Il a travaillé avec plein de monde, entre autres avec Daran. Puis comme Martin joue de la basse pour Daran, ben c'est ça. Ils se sont jasés un peu. Puis tout ça, puis voilà, fait qu'on a travaillé avec, puis on a eu vraiment du fun, puis j'ai très très hâte de lancer ces tunes-là qui s'écrivent un petit peu partie bout. On en a 8 de fait, là. Déjà. Ouais. Et peut-être donc certaines qu'on entend déjà sur scène. Je vous le rappelle, pour voir Raton Lover, ne traînez pas. Le 4 mai, Sainte-Dard-la-Chapelle, pour les voir sur scène. Je rappelle qu'on a des vinyles, des CD au kiosque de marchandises de CKRL, là, pour le Radioton. Hâtez-vous, ça va partir comme des petits pains chauds. Simon Lachance, merci beaucoup. Merci Jessica. D'avoir passé cette heure avec nous. Il représentait Raton Lover ce soir. Je vous demande une bonne main d'applaudissements pour Simon Lachance. Et si vous aimez le rock, ça va se poursuivre vraiment dans toute une fureur parce que là, c'est la guerre du rock volume 2 qui s'en vient avec Johnny Rottweiler, excusez-moi de mon accent, et tous les animateurs de rock à CKRL. Un beau petit quiz qu'on vous réserve dans la prochaine heure. Mon nom est Jessica Leb. Moi, je vous retrouve dans la suite du Radioton, tout simplement. Bonne soirée à tous.